Bonjour, bonsoir et bienvenue à cet attentat. Kevin Laramé avec vous pour vous parler du Tour de France, étape numéro 4, la Baule Sarzeau, étape qui était pressentie pour se terminer au sprint. Et oui, en effet, elle s'est terminée au sprint. Bienvenue à cet attentat pour une deuxième fois durant ces quatre premières étapes. Fernando Gaviria de la Quick-Step a démontré qu'il est le sprinteur le plus en forme présentement dans le peloton et aussi peut-être le plus technique des sprinteurs avec une belle manœuvre qui a lancé son vélo au bon moment pour gagner cette étape dont le sprint a été extrêmement chaudement disputé. Malheureusement, une chute à quelques kilomètres de l'arrivée, à environ 7 kilomètres de l'arrivée, a terminé le tour pour Axel Domon. Axel Domon, qui est un domestique quand même de très bonne qualité de AG2R La Mondiale, qui malheureusement, avec une fracture, et on avait même peur à un moment donné qu'il y ait une fracture du crâne, mais heureusement, aucune fracture du crâne, aucune fracture des côtes. On parle d'une fracture de la clavicule qui malheureusement termine le tour pour un des domestiques de Romain Bardet avec AG2R La Mondiale. Et c'est dommage, mais un des grands perdants aussi durant cette étape numéro 4, Inur Zakarin, qui a été pris derrière cette chute durant l'arrivée vers Sarzeau et qui lui a coûté environ 57 secondes au général pour un Inur Zakarin qui malheureusement pourrait voir ses chances de faire un top 10 au général terminer avec cette malheureuse chute au peloton qui lui a coûté 57 secondes. Mais Fernando Gaviria, quelle vitesse du Colombien, mais je dois vous avouer, ce qui m'a vraiment impressionné aussi de cette arrivée massive au sprint est le travail de la Quick-Step Energy. On parle ici des derniers lanceurs de... Attendez, je pourrais être sûr que j'ai le bon. On parle quand même de Julien Alaphilippe qui a terminé dans le top 15, 15e durant l'étape, mais Philippe Gilbert, Alaphilippe, et aussi, attendez que j'ai son nom aussi devant moi, et surtout Bob Youngles, encore une fois aussi, tout sur le train pour Gaviria. Et quelle accélération que le Colombien nous a démontré, encore une fois, avec cette merveilleuse arrivée au sprint. On n'a pas toujours des sprints qui sont de la sorte, donc un sprint en ligne droite. Les deux dernières kilomètres étaient disputés sur la même route, une route assez large, environ deux voies de large, en ligne droite, directement vers Sarzeau, qui a été quand même un peu dangereux. Si on regarde le travail d'un Peter Sagan, qui s'est quasiment retrouvé coincé à vers sa droite, vers la gauche de l'écran, lorsque vous avez écouté, si jamais vous avez écouté, il a réussi à trouver un petit espace, s'est enlevé vers sa droite, la gauche de l'écran, a réussi à rattraper Greipel, qui a vraiment lancé son sprint beaucoup trop tôt. Le géant allemand a peut-être eu une certaine anxiété en voyant cette arrivée et a lancé son sprint environ 75 mètres trop tôt, 100 mètres trop tôt, et contre un sprinteur de la trempe de Gaviria qui est extrêmement en forme cette année, tellement en forme que, à la suite de l'année dernière, Quick-Step a décidé de se départir de Marcel Kittel, qui était quand même un des sprinteurs les plus en forme jusqu'à l'année dernière au Tour de France. 5 étapes l'année dernière pour Marcel Kittel. Et j'imagine la forme et surtout la promesse d'avoir un Gaviria encore plus rapide qu'un Kittel pour 2018 était assez pour convaincre la Quick-Step de se départir de l'Allemand. Mais Gaviria, quelle accélération! Un train parfait, probablement le meilleur train du peloton présentement est la Quick-Step. Mais j'ai été étonnamment surpris du travail du train de la Team Dimension Data. Non autant de la performance de Cavendish en étant le dernier de ce train et en étant leur sprinteur désigné. Pas très impressionné de Cavendish. Est-ce qu'on peut le blâmer dû à la chute de l'année dernière avec la fameuse suspension de Peter Sagan dans la troisième étape, évidemment. On avait une grosse chute pour Cavendish, un bris de la clavicule, de l'épaule l'année dernière. Donc, ça reste toujours dans le fond de votre esprit. Et lorsqu'il se retrouve un petit peu emboîté au peloton à 75-100 mètres de l'arrivée, a levé la main, a laissé le train passer. Et les autres se sont disputés le sprint. Regardons maintenant le top 10 au final durant cette quatrième étape du Tour de France qui a eu lieu entre La Baule et Sarzeau, 195 km. Avant de parler des top 10, parlons un peu de l'échappée du jour. Vous voyez, je porte mon chandail de maillot de la France. France-Belgique était cet après-midi en Coupe du Monde et France-Belgique était représentée dans l'échappée du jour pour cette journée, quatrième étape. On avait deux Belges et deux Français durant cette quatrième étape. Dimitri Claes de Cofidis avec Anthony Perez, français et belge et français, évidemment, de Cofidis. Jérôme Cousin du Direct Énergie en Vendée, représentant encore on se rend en Bretagne, si on n'a plus en Vendée, mais Jérôme Cousin représentant le team Direct Énergie. Cette deuxième échappée déjà durant ce Tour de France pour Jérôme Cousin, pour ne pas dire Jérôme, le cousin de Direct Énergie qui a gagné le prix combatif pour cette quatrième étape. Et la dernière de cette échappée était Guillaume Van Kerbeuk de Wanty Groupe Gobert. Donc trois des quatre formations pro-continentales étaient représentées dans l'échappée du jour. Ce qui nous a apporté à un final quand même assez nerveux. Oui, c'était plus sécuritaire. Ce n'est pas un tracé final qui était très sinueux. Pas de gros virages ni à gauche ni à droite en terminale. Comme on parlait, 2 km très droit pour terminer l'étape qui a vu Fernando Gaviria de la Quick-Step terminer l'étape en 4h25 minutes et 1 seconde dans le même temps que tout le peloton. Deuxième, Peter Sagan, le champion du monde et détenteur du maillot vert, a terminé deuxième. André Greipel, comme je mentionnais un petit peu plus tôt, qui a lancé son sprint peut-être 75 à 100 mètres un peu trop tôt, a quand même terminé troisième avec Dylan Groenewegen de l'Auto NL Jumbo en quatrième position. Marcel Kittel, qui n'a pas autant de support qu'il avait lorsqu'il était à Quick-Step l'année dernière, surtout avec les circonstances de fin de course, avec Zakarin qui s'est fait pris à l'arrière, avec quelques coéquipiers qui devaient aller aider un Ineos Zakarin. Donc, Katusha s'est retrouvé un petit peu démuni lors de la finale de cette étape. Et Marcel Kittel, cinquième. Ensuite, André Pasqualon, sixième de la Wanty Groupe Gobert. Un bon résultat, encore une fois, pour Wanty Groupe Gobert, qui trouve un moyen de se démarquer durant ces quatre premières étapes. Oui, lorsque ce sera un petit peu plus vallonné, on n'entendra plus vraiment parler de Wanty Groupe Gobert, mais pour l'instant, quand même une bonne performance pour l'équipe pro-continentale. Ensuite, Alexander Kristoff de UAE Team Emirates, qui a terminé septième, qui a vraiment lancé son sprint 200 mètres tôt, je dois dire, pour Alexander Kristoff, qui n'avait pas l'opportunité d'avoir des coéquipiers aussi pesants à la fin de l'étape pour lui donner un coup de main. Et Kristoff se retrouvait exposé. Même chose pour Degenkolb. Et huitième pour John Degenkolb de la Trek Segafredo. Degenkolb était, si vous vous rappelez, dans le temps de Team Shimano, Skill Shimano et le projet IT4 qui a commencé ensuite avec Marcel Kittel qui était avec l'équipe. Et Degenkolb était le lieutenant de Marcel Kittel et Degenkolb était le lanceur de Marcel Kittel. Mais ce n'a pas eu l'escompte espéré, surtout le développement espéré pour la vitesse d'un Degenkolb qui est huitième, mais quand même très loin du top 3 côté sprint et vitesse pure. Dion Smith de la Wanty Groupe Gobert, le fameux maillot à pois, encore une fois. Dion Smith, et en parlant du maillot à pois, on va revenir dans quelques instants, mais le maillot à pois pour la première fois de l'histoire du Tour de France a une triple égalité en tête du maillot à pois. 3 coureurs avec un point. Mais dû à son classement au général, Dion Smith revêtera le maillot à pois demain durant l'étape numéro 5. Et le top 10 se termine avec un autre de l'équipe Wanty Groupe Gobert, Timothée Dupont, qui était présent pour assurer la présence de Dion Smith. Arnaud Démare, c'est un 11e, donc un petit peu malheureux pour un Arnaud Démare qui a perdu son train vers la fin de l'étape, a réussi à le retrouver, mais non étant un petit peu non organisé, il n'a pas réussi à corriger la situation. Le maillot jaune, toujours sur les épaules de Greg Avermaet, qui a terminé en 16e position de cette étape, avec le même temps que le champion de la journée, qui est Fernando Gaviria, déjà une deuxième étape pour le Colombien. Maintenant, une bataille qui se dessine devant nous est la bataille pour le maillot vert. Et en cette journée, Gaviria a réussi à surmonter une avance de 26 points. Il a réussi à diminuer l'avance de Peter Sagan qui avait 26 points déjà après la première journée. Et ça, c'est dû à cause, oui, du travail qu'il a fait au sprint intermédiaire qui a été gagné par l'échappée. Donc, Guillaume Van Kerbeuk, Dimitri Claes, Anthony Perez, Jérôme Cousin, respectivement, pour le premier sprint de la journée qui avait lieu à 97,5 km du départ. Fernando Gaviria a gagné ce sprint pour la cinquième position, 11 points. Greipel, 6e pour 10 points et Sagan, 7e pour 9 points. Mais ce qui faisait vraiment la différence, c'est au final, Fernando Gaviria, 50 points pour la victoire. Peter Sagan, 2e avec 30 points. André Greipel, 20 points. Mais cette bataille ne se dessine déjà qu'une bataille à deux pour le maillot vert après seulement quelques étapes. Donc le maillot vert, pour l'instant, est une compétition qui est la plus chaude durant ce Tour de France jusqu'à présent. On va voir les résultats de ça demain. Mais regardez la différence de points ici. Nous avons Peter Sagan à 143 points après l'étape numéro 4. Fernando Gaviria, 139 points. Seulement une avance de 4 points. Un retournement de situation de 22 points pour Fernando Gaviria qui maintient présentement le maillot vert. Excusez-moi, il n'y a pas le maillot vert. Il est deuxième du maillot vert, c'est Peter Sagan. Mais il y a le maillot blanc. Fernando Gaviria, leader du classement de jeunes présentement au Tour de France. Donc, nous verrons Fernando Gaviria en blanc pour l'étape numéro 5. Et c'est toute une compétition quand même. Attendez, je pense que je vous ai dit une erreur aussi. Oui, exactement. Alors, le maillot blanc, il y a bien du monde. Hein. Il y a beaucoup de coureurs. 173 maintenant avec 3 abandons après 4 étapes. Présentement, c'est toujours Søren Craig Andersen qui est le leader de la compétition du maillot blanc avec l'équipe Sunweb. Il n'y a pas de changement au général. Toujours Van Avermaet, même seconde que TJ Van Garderen. Et on se retrouve avec Garen Thomas, troisième. Pour ce qui est des prétendants, aucun changement encore. Peut-être demain, l'étape numéro 5, il y aura quelques changements. Mais je ne suis pas encore convaincu. Parce que c'est une étape, oui, ce qu'on appelle une ère d'une étape ardennaise, peut-être. C'est vallonné. Il y a deux catégories 4, 3, catégorie 3. Et c'est une finale quand même descendante avec un petit faux-plat montant, mais pas trop difficile pour qu'une échappée puisse bien se disputer cette étape. Je ne serais pas surpris de voir un anti-groupe Gobert et un Dion Smith soit faire partie de l'étape pour aller chercher les quelques points nécessaires. Mais ça devient un petit peu plus dur un petit peu plus tard et je ne serais pas surpris si au final un Alaphilippe ou peut-être un Julien ou peut-être un Philippe Gilbert de Quick-Step pourrait être de cette partie. Mais il y a aussi les bas. La Quick-Step a toute une équipe pour le plat ou pour le vallonné. En montagne, c'est une autre chose. Et Bob Jungels, on va voir de quel bois il chauffe en montagne, mais la Quick-Step, présentement, domine ce Tour de France avec leur rapidité d'exécution, leur rapidité de penser et de réagir au bon moment. Mais l'étape numéro 5, qui nous... Avant de parler de l'étape numéro 5, laissez-moi vous parler un peu du train de Cavendish. On a parlé de Cavendish et de la team de Mind Chain Data, il y a quelques jours, à quel point que le train n'était pas nécessairement très impressionnant. Mais aujourd'hui, durant les deux derniers kilomètres, c'est la team de Mind Chain Data qui a fait tout le travail pour ramener le restant de l'échappée, qui était le coureur de Wanty Group Gobert. Et lorsqu'ils ont ramené, malheureusement, Cavendish a été bloqué. Est-ce que Cavendish est le sprinteur que ce train mérite? Peut-être pas. Le train mérite peut-être un meilleur sprinteur ou un sprinteur plus en forme. On se rappelle que Cavendish est toujours à la recherche de ce fameux record du plus grand nombre de victoires au Tour de France qui appartient encore et toujours à Eddy Merckx, qui était un, si ce n'est pas le plus grand coureur de tous les temps. Maintenant, on parlait de l'ère de classique ardennaise pour l'étape numéro 5. À mes souhaits, alors, le 11 juillet, demain, 204,5 km, une étape assez accidentée qui part de Lorient jusqu'à Quimper. Et nous avons trois catégories 3, deux catégories 4. Donc, nous avons la côte de Californe et la côte de Trimène. La première est à 1,7 km de long à 7,1%. Et ensuite, 1,6 km, juste 10 km plus tard, à 5,6%. Ensuite, il y a quelques vallons encore qui sont non répertoriés. Et ensuite, nous avons aux côtes de la Roche-de-Feu à 1,9 km, 6,6%. Ensuite, la côte de Menez-Queclair, 3 km à 6,2%, qui est la plus longue des ascensions de la journée, avec une moyenne, la deuxième la plus longue. Et nous avons la côte de la montagne de Locrona à environ 17 bornes de l'arrivée avec 2,2 km de long. Ensuite, c'est quand même assez vallonné. Le bonus de la classification qui est à seulement 10 km de la fin environ, qui est 100 mètres de dénivelé, la côte de la chapelle de la Lorette qui va apporter quelques secondes de bonification pour le gagnant de ce sprint au point. De ce sprint au temps. Le sprint intermédiaire, je voulais avant la première côte de la journée. Donc le Roudoualec à 160 mètres d'altitude quand même, mais à 92 mètres du départ de l'étape numéro 5. Je vous mentionnais dans la dernière étape que j'avais favorisé Gaviria pour gagner l'étape numéro 4. Et oui, j'avais raison, comme j'avais mentionné la victoire de la France contre la Belgique aussi, je devais me le mentionner au moins une fois. Allez les Bleus. Mais demain, it's coming home. Alors, mercredi, demain, 11 juillet, qui je favorise? Si c'était il y a quelques années et si son travail n'avait pas été aussi difficile aujourd'hui, un Philippe Gilbert aurait pu être un bon choix. Un Robert Racing aurait pu être un bon choix, mais Robert Racing est une des victimes aussi de temps et de blessures de terminer avec quelques minutes de retard, malheureusement. Et Robert Racing n'est pas le coureur qu'il était lorsqu'il a gagné les courses de Montréal et Québec il y a quelques années. Mais quand même, il ne faut pas oublier, demain favorisera peut-être une arrivée à l'échappée et surtout une victoire d'étape chaudement disputée entre quelques punchers. Pour ne pas dire quelques baroudeurs, nous allons avoir une étape vraiment différente de ce que nous avons vécu durant les quatre premières. Demain, je ne m'attends pas à une arrivée au sprint, même si Quick-Step veut travailler très fort. Je crois que leur effort d'aujourd'hui, Quick-Step qui a effectué environ 49% de la charge de travail du peloton pour rejoindre l'échappée aujourd'hui, étant une des équipes les plus favorables au sprint et un des équipes les plus fortes avec un des sprinteurs les plus en forme, ils avaient le gros du travail sous leur pédale et ont quand même travaillé très fort. Donc, en l'étape numéro 5, je prévois Quick-Step qui va mettre quelques coureurs au moins, si ce n'est pas un, dans l'échappée du jour pour pouvoir relaxer un peu au peloton et retrouver nos énergies pour l'étape numéro 6 qui devrait peut-être être très importante pour un Bob Jungels ou pour un Alaphilippe ou un Gilbert peut-être parce qu'on parle du mur de Bretagne du deux fois. Donc les deux prochaines étapes, 5 et 6, favorisent pas l'arrivée au sprint. Mais l'étape numéro 7, vous pouvez déjà écrire au crayon à l'encre, tant qu'à moi, la possibilité d'avoir Gaviria gagner à Chartres après l'étape numéro 7. Mais l'étape numéro 5 de demain favorisera une échappée. Et je crois que nous allons voir l'échappée la plus imposante du Tour de France jusqu'à présent. Voir un 10, 12, 13 coureurs dans cette échappée ne serait pas surprenant. Est-ce que l'échappée du jour sera assez tôt? Est-ce qu'un Sagan essaiera de se joindre dans l'échappée pour amorcer quelques des points de bonification du sprint intermédiaire qui est avant les grosses difficultés? Donc, ça serait de voir intéressant si un Gaviria suivra cette bataille parce que je crois que nous allons voir durant ce Tour de France, avec la domination d'un Gaviria au sprint final, sera l'endroit où ce que Gaviria ramassera le gros de ses points du maillot vert. Mais un Sagan pourra peut-être prendre quelques notes du livre de Thor Hushovd. Thor Hushovd, si vous vous rappelez bien, durant la fin des années 2000, avant les années 2010, lorsqu'il était avec l'équipe Cervélo Testi, mais les quelques années suivantes, Garmin Cervélo, il avait réussi à gagner un maillot vert en attaquant lorsque c'était surprenant et en gagnant des fois des points dans les sprints intermédiaires lorsque c'était un petit peu plus accidenté en se glissant dans l'échappée du jour. Et je ne serais pas surpris de voir un Peter Sagan vouloir augmenter son avance en réussissant peut-être de se glisser dans l'échappée du jour, faire valoir le maillot vert, le maillot arc-en-ciel et peut-être ramasser quelques points de bonification pour l'aider à battre la vitesse au final d'un Gaviria. Pour l'instant, cette bataille du maillot vert est la bataille la plus serrée du Tour de France. Regardons encore une fois, on parlait de Peter Sagan et Gaviria, 143 points Sagan, 139 pour Gaviria. Il y a un gros trou ensuite. On se retrouve avec Christophe 72, un Greipel 65, un Arnaud Démare 52. Et c'est plus des sprinteurs purs ensuite. Mais pour un Peter Sagan qui n'a pas une vitesse de pointe égale à 100% à un Gaviria, mais il est très près maintenant. On se retourne à quelques années, peut-être 3 ans, 4 ans. Sagan n'avait pas la vitesse de pointe d'un Gaviria, mais avec le travail, avec la pratique, avec l'acharnement et surtout avec la maturité d'un coureur tel qu'un Sagan, il réussit à bien se placer et bien réagir. Et quand même, il aurait peut-être gagné aujourd'hui s'il avait été un petit peu mieux supporté à la fin de l'équipe, à la fin de l'étape par Bora, et surtout si un train lui avait déposé avec un chemin totalement libre devant lui, ce qui n'était pas le cas. Il a dû tourner vers sa droite pour se libérer finalement de l'emprise d'un Christophe devant lui qui est vraiment parti, encore une fois, comme je disais, beaucoup, beaucoup trop tôt. Mais pour revenir au général, qui est quand même la grande bataille du Tour de France pour l'instant, il n'y a pas de grand changement. Zakarin est le seul vraiment perdant aujourd'hui. Chris Froome, toujours 17e à 55 secondes de Greg Van Avermaet. Geraint Thomas, toujours le coureur avec peut-être des aspirations en général, le mieux placé à 3 secondes seulement de Greg Van Avermaet. Philippe Gilbert, 4e. Alors, est-ce que le maillot jaune change d'épaule demain? Un Greg Van Avermaet pourrait très bien performer dans une épreuve de style ardennaise qui a lieu en l'étape numéro 5. Si un Van Avermaet, mais Van Avermaet à un état maillot jaune ne se glissera pas dans l'échappée et ne sera pas présent, mais un Philippe Gilbert, à 5 secondes seulement du maillot jaune, est-ce que BMC va décider, peut-être pour épargner leur équipe et pour être sûr de supporter un Richie Porte totalement durant les prochaines étapes, est-ce qu'un BMC va laisser aller le maillot demain? Est-ce que BMC va laisser un Philippe Gilbert peut-être se glisser dans l'échappée du jour, ou un Alaphilippe est peut-être allé chercher ce maillot jaune pour l'étape numéro 5? C'est la prédiction. Je ne sais pas lequel des trois, mais il y a trois rouleurs. Youngles ne serait étant un potentiel danger au général, je ne crois pas que les équipes laissent un Bob Youngles se joindre à l'échappée du jour, qui pourrait peut-être avoir une influence sur le résultat de cette étape, mais un Philippe Gilbert ou un Alaphilippe qui n'ont pas d'option sur le général et qui seront des coéquipiers très utiles aux Youngles et autres, mais un Philippe Gilbert, me semble, je le vois demain. Pour compenser pour la défaite de la Belgique aujourd'hui, peut-être, mais je vois un Philippe Gilbert nous remontrer sa forme d'antan durant cette épreuve. On parle peut-être, ce sera peut-être pas assez dur pour un Gilbert de terminer, de faire une sélection. Mais soyez pas surpris de voir dans l'échappée quelques punchers, quelques rouleurs tels les Gilbert et Alaphilippe, les fameux coureurs de classique que vous voyez souvent. Ne soyez pas surpris de les voir dans l'échappée du jour. Un outsider que je pourrais peut-être dire pour demain, un Bach Mollema peut-être, qui pourrait se retrouver dans l'échappée du jour. Un Bach Mollema qui est quand même très important pour l'équipe Trek Segafredo, mais en étant une étape quand même destinée à se terminer avec l'échappée en premier et rafler peut-être le maillot jaune, un Bach Mollema et représenter Trek Segafredo pourrait aller très loin pour les commanditaires et pour la continuité de cette équipe aussi. Donc, selon moi, BMC laisse aller le maillot jaune durant l'étape numéro 5 et il se retrouvera sur les épaules de un de ses deux membres de la Quick-Step. Philippe Gilbert ou Julien Alaphilippe? Prenez votre choix. Le mien, c'est le premier. Philippe Gilbert, selon mes prédictions, sera le nouveau maillot jaune après l'étape numéro 5. Vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux @kevlaramie. Vous pouvez vous trouver sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram. Vous pouvez trouver la version podcast de notre version en direct sur youtube.com Sports Podcast et Network. Et sur notre page Facebook, vous pouvez juste chercher SPN, Réseau de balado sportive. Maintenant, nous avons un nouveau nom en français. Donc, le SPN, le réseau de balados sportifs, vous pouvez trouver nos vidéos sur notre page Facebook. Évidemment, partout où vous trouvez vos balados de diffusion, prenez le temps d'aller sur Balado Québec, votez pour C'est à ton tour. Nous étions premiers durant les quelques derniers jours dans la section sport. Et je vous remercie beaucoup de votre écoute. Je vous remercie beaucoup de votre temps. Comme vous pouvez entendre, je vais reposer ma voix parce que demain, encore une Coupe du Monde. Vous pouvez écouter mon émission anglophone World Cup Today demain à 10h le matin, le mercredi 11 juillet. Et nous avons Angleterre-Croatie en après-midi. Et de retour en studio quelques heures plus tard, vous allez avoir, c'est à ton tour, le résumé de l'étape numéro 5. Mais comme c'est maintenant l'habitude, je vous souhaite un bon vélo, je vous souhaite une belle journée, de profiter de ce beau temps partout présentement sur la planète. C'est ce moment idéal de sortir son vélo, de faire tourner ses jambes et de perdre un petit peu de poids, évidemment, comme tous les cyclistes, lorsque c'est l'été. Mais surtout, je vous mentionne notre commanditaire, sportsinspired.ca, qui est ma nouvelle compagnie, évidemment. Vous pouvez voir nos produits qui sont inspirés par le Tour de France, produits dans lesquels je suis extrêmement fier. Et aussi, nous avons un chandail de l'émission. Donc, si vous voulez nous supporter ce qu'on fait ici à SPN, je vous suggère d'aller au sportsinspired.ca. Pour un 25$, vous avez un très beau chandail inspiré par le Tour de France. Et jusqu'à demain, je vous souhaite bon vélo!